Et c'est le Red Champagne. C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Gagnant la chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Salut. As-tu de bons billets dans le monde du sport au Saguenay? On a appris que Steve Thériault ne serait pas de retour à la barre des élites de Ville-Saguenay. Sur les ondes de CKJ avec Michel Thibault et Dominique Bolduc, ben, le président des élites, Michel Simard, a donné la version des élites. On écoute cette entrevue. 0345. Jusqu'à 17h, vous êtes dans le vestiaire avec Michel Thibault et Dominique Bolduc. Il est 16h21 minutes. Surprise au niveau du hockey midget. Aujourd'hui, on a appris que l'association entre les élites midget de Jonquière et Steve Thériault était terminée. On va parler avec le président des élites midget, Michel Simard. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Bonjour, Dominique. Quelles sont les raisons qui font que l'entente se termine avec l'instructeur des élites midget, Steve Thériault? Bah, écoute, t'as raison, Michel. Je pense pas que lorsque Claude Julien a été congédié à Boston, ils sont allés sur la place publique pour énumérer les raisons. La même chose, je pense pas que lorsque Michel Therrien a perdu sa job à Montréal, que Marc Bergevin est allé publiquement pour les raisons. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, je pense pas non plus que demain matin, si Yannick Jean perdait sa job avec les Saguenay de Chicoutimi, que M. Létourneau irait sur la place publique pour dire exactement les raisons. Écoute, tout ce que je peux vous dire ce soir, c'est qu'effectivement, ça laisse de la place à l'interprétation dans le journal ce matin. Pour ce qui est le cas de Steve Thériault, écoutez, c'est un congédiement. C'est clair que on a pris une décision, le conseil d'administration, et je veux dire que c'est pas une question là d'éthique ou d'harcèlement. C'est assez populaire au Québec, c'est ainsi, aucunement. Steve Thériault a aucun reproche à se faire de ce côté-là. C'était tout simplement que, et également, je pourrais dire également, Michel, c'est pas une question de résultat. Au contraire, avec Steve, dans les 5 dernières années, l'équipe a été très compétitive. On a gagné, je pense, depuis 1995, c'est la première fois qu'on gagnait. On était premier au classement général de la Ligue. On était en finale de la Coupe Dodge, on a gagné la Coupe Dodge, on a eu beaucoup de succès au niveau des résultats, c'est pas là la question. C'est que, tout simplement, l'organisation opère présentement des changements, et ça, tout le personnel hockey et ceux proches des élites le savent très bien depuis un an qu'on parle de ça avec eux autres. On opère des changements au niveau de la direction, au niveau des tâches et ces choses-là. Je pense qu'après 5 ans, il faut s'ajuster. Et malheureusement, Steve n'avait pas le profil pour opérer ces changements. Alors, si je comprends bien, c'est une décision administrative. Et voilà. OK. Est-ce que les autres entraîneurs, il y avait des entraîneurs adjoints, est-ce qu'eux aussi sont limogés? Au moment où on se parle, tout le monde est en poste. Écoute, honnêtement, ça se déroule tellement vite depuis hier. Hein? C'est comme une tempête. Ça. C'est comme... Non, j'ai pas parlé avec mes gens. Il y a personne qui m'a contacté pour dire moi je démissionne ou n'importe quoi. Non, il n'y a rien de ce côté-là. J'imagine au cours des prochains jours qu'on va discuter avec nos gens. Mais là, je pense que l'important aujourd'hui, c'est de s'occuper de ce livre, hein, parce que je pense qu'il a pris ça dur. C'est jamais plaisant de se faire congédier dans une organisation de hockey. On ne peut pas y enlever tout le travail qu'il a fait. Alors, vous nous avez parlé d'un congédiement tantôt, Michel. Si les élites ont décidé de congédier leur entraîneur, avez-vous un autre instructeur, un autre candidat en tête pour le poste de coach chez les élites midget? Pour l'instant, non. Ben, pour que je sois à maître, du moment que tu prends cette décision-là, tu dresses une liste. Hein? C'est clair? Je peux te dire que, tu sais, avec les communications aujourd'hui, je suis vraiment surpris. Écoute, on a eu une petite article dans le journal hier. Honnêtement, on ne s'attendait pas que ça allait sortir tout de suite, mais les gens sont bien informés. On était censé se revoir, moi et Steve, pour un peu finaliser, parce que là, il y avait beaucoup d'émotions quand on s'est rencontrés. Mais c'est fou, parce que je dois avoir 6-7 CV de rentrée depuis le matin là, qui rentrent comme ça, que les gens m'envoient le CV, je te dirais même partout au Québec. Avez-vous l'intention... Avez-vous je vais continuer, Michel, excuse-moi. Oui. Et au cours de la semaine prochaine, c'est sûr que l'exécutif des élites, on va se pencher là-dessus. Michel, pendant que je te parle, je reçois un texto. Quelqu'un me dit, le coach des élites est déjà nommé, puis ils m'ont dit le nom. Ah, ben, ils n'ont pas dit ce qu'il va. Est-ce que je peux lancer le nom en onde? Ah, tu peux, ça me dérange pas. OK, je peux. Tu me donnes la permission? Ah, c'est des rumeurs du hockey. OK, c'est des rumeurs du hockey. Puis c'est quelqu'un qui est quand même dans le monde du hockey. Il me dit, Michel, le coach est déjà... Comment? C'est pas vrai, Michel. Non, non, mais, est-ce que, mais je te demande, Michel, si tu veux, si tu me donnes la permission de lancer la rumeur du nom qu'on me dit. Non, parce que je pense que la personne peut-être... tu sais, il faut dire qu'on était en processus également là, pour un processus... on était dans un processus pour un adjoint. Okay. On avait été bon clair avec le milieu. On a rencontré, parce qu'on avait identifié que ça nous faisait un adjoint supplémentaire. C'est peut-être pour ça. Parce qu'en début d'année, on se souviendra qu'on avait Anthony Lucarelli qui a quitté pendant l'année et ça a été difficile pour Simon et Steve, au lieu d'être trois, c'est sûr qu'il y avait François Gagnon qui lui donnait un coup de main qui n'était pas toujours disponible, ainsi que Nicolas. Mais non, mais c'est vrai qu'on était en processus, qu'on avait parlé à des gens pour le poste d'adjoint. Ça serait le nom qu'on me... Je dirais pas le nom, Michel, je vais respecter ça, là. C'est un gars de la région, le nom qu'on me donne. En tout cas, il va sortir pareil. Comme... J'espère qu'on va regarder dans notre région. Ah oui, c'est un gars de la région. En tout cas, mais de toute façon, je vais être obligé de donner le nom à un moment donné parce que les rumeurs vont sortir. C'est ça, le monde du hockey, Michel, tu l'as dit tantôt. Tu sais, vous ne vouliez pas que ça sorte, puis ça a sorti hier, puis ça a sorti ce matin. Dernière question. Tantôt, tu as quand même dressé un bilan positif de Steve Theriault. Qu'est-ce que vous retenez de l'expérience avec Steve Theriault derrière le banc des élites midget? Écoute, c'est beaucoup, beaucoup de choses de positifs. Écoute, c'est un passionné. J'ai cru en ce gars-là la première fois que je l'ai rencontré. Et Steve aussi, depuis un an, deux ans, il se pose des questions de son orientation de carrière. On sait très bien qu'il avait été dans le junior, voire le junior majeur, puis... Je suis content parce que quand un entraîneur passe dans les élites, on veut qu'il progresse, on veut qu'il monte au niveau du hockey junior majeur. Je me souviens même plus de tes questions, Michel. Qu'est-ce que vous retenez de Steve Theriault? Parce que tantôt, tu as dit, on a gagné ci, on a gagné ça. Ouais, alors, dans le fond, il n'a pas fait une mauvaise job, là? Non, non, il a fait une très bonne job. Écoute, puis c'est un passionné, puis. Écoute, on a gagné avec, là. On a eu des bons moments, mais quand on perd un changement et que tu penses que la personne n'a pas le profil pour ça, c'est tout simplement ça. Puis on était rendu là dans l'organisation. C'était malheureux. C'est une décision difficile à prendre. Tu sais, s'il n'est pas là parce que l'équipe ne ressemble pas au contraire. Michel, merci. Hein? Oui. Michel, merci beaucoup. En terminant, je dois dire, là, c'est la première fois que je fais une entrevue avec quelqu'un. Et actuellement, là, les médias sociaux, les Facebook, les textos se sont enflammés. J'ai plein de noms. Tu sais, les gens me disent, Michel, je vais t'en lire un vite, là. Michel, plusieurs gens sont au courant du nom que je veux sortir. Là, mais je ne le dirai pas de suite. Mais Michel... C'est ça, le monde dit, OK. Mais ça me fait plaisir. Ça veut dire que des gens qui ont des intérêts pour les élites. Mais honnêtement, Michel, je suis un petit peu surpris. Je pensais jamais que ça prendrait. Tu sais. Premièrement, l'émission est très écoutée. Je suis content parce que tabarouette que j'ai des rebonds, ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est bon pour tout le monde, mais gars. C'est bon pour tout le monde, oui. Ben, mais tu sais, je veux dire, moi aussi, aujourd'hui, quand même, ça fait longtemps que je suis dans ce milieu-là. Je l'ai pas vu venir. Tu sais, lorsqu'hier, j'ai parlé à Dave, tu sais, on était un petit peu. Je voulais pas trop parler parce que. J'avais pas fini un processus avec Steve, puis par respect. Puis là, aujourd'hui, tu sais, comme toi, là, des rumeurs, j'ai entendu plein d'affaires. Là, je me suis dit, puis après qu'on ait jasé aujourd'hui, je me suis dit, là, les gens, ils vont spéculer, là, tu sais, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, bloqué, puis tout. Et j'ai contacté quelqu'un de mon organisation, et j'ai dit, là, faut faire de quoi, parce que là les gens, ça déraille dans ce temps-là, là. Ouais. Fait que c'est pour ça que je suis là avec toi. Et je vous remercie de me donner l'opportunité un peu d'expliquer ce qui s'est passé. Puis merci aussi, Michel, d'avoir répondu à nos questions. Écoute, je t'ai respecté, j'ai pas dit le nom dans l'entrevue, mais ça se peut bien que je sorte la rumeur d'ici à Félix. Mais ça va être une rumeur. Mais des rumeurs, là, il y en a, ça fait... Il y en a plein. Merci beaucoup, Michel Simard. Ça m'a fait plaisir.